Vous écoutez Futur Sam sur les ondes de CKRL 89.1 et c'est Karine Gravel qui vous parle. J'ai une invitée qui s'appelle Samira Amil. Bonjour Samira. Bonjour Karine. Samira, tu es étudiante à l'Université Laval, mais veux-tu apporter quelques précisions sur ton parcours? Oui, avec plaisir. Moi, je suis médecin généraliste d'origine marocaine et j'ai pratiqué dans le secteur privé pendant quelques années avant de venir m'installer ici à Québec. Et actuellement, je suis étudiante au baccalauréat en nutrition à l'Université Laval. Donc, ça oriente ton sujet de chronique qui porte sur l'amaigrissement. Donc, on sait que les gens sont de plus en plus préoccupés par leur poids et souhaitent maigrir. Oui, effectivement, l'obsession de la minceur véhiculée par l'industrie de l'amaigrissement, de la mode et de la publicité conditionne les gens à désirer un corps idéal et donc les pousse à vouloir perdre du temps et c'est l'industrie de l'amaigrissement qui profite vraiment de cette situation. Juste pour vous donner une idée sur la consommation de produits, services et moyens amaigrissants au Canada, en 2014, l'industrie de l'amaigrissement représentait un marché de 6 milliards de dollars américains, ce qui est l'équivalent de plus de 8 milliards de dollars canadiens. Et ce chiffre d'affaires devrait s'élever à plus de 8 milliards de dollars américains en 2019, ce qui est l'équivalent de 11 milliards de dollars canadiens. Et c'est énorme. Oui. C'est très, très lucratif. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire exactement par produits, services, moyens amaigrissants? Qu'est-ce que ça inclut? Ce sont tous des façons et des moyens commerciaux de perte de poids. Mm-hmm. Quand on parle de produits amaigrissants, ça pourrait être soit des produits de santé naturels, soit des médicaments en vente libre ou des substituts de repas ou des aliments. Les timbres, les crèmes, les vaporisateurs, les enveloppements font aussi partie de ces produits. Et pour les services, ce sont surtout les programmes et les centres de perte de poids. Mm-hmm. Alors que les moyens amaigrissants, c'est tout ce qui est régime, jeûne, restrictions alimentaires, chirurgie bariatrique ou esthétique, les appareils amaigrissants, les méthodes alternatives aussi comme l'hypnose et l'acupuncture. Et parmi tous ces produits, services et moyens amaigrissants, ce sont les programmes de perte de poids qui sont les plus populaires. C'est quoi exactement le secret des régimes amaigrissants? Qu'est-ce qu'on sait dans la littérature? Tous ces régimes peuvent se baser sur une restriction calorique et sur l'exclusion de certains aliments. Dans certains cas, ils intègrent également la consommation de produits spécifiques comme les produits naturels ou des substituts de repas. Mais peu importe la composition en macronutriments du régime amaigrissant, tous les régimes sont équivalents. Et il provoque, après un certain temps, une prise de poids perdue, même ce qui entraîne un déficit énergétique. Et comme notre corps est vraiment intelligent, en période de privation, il s'habitue à fonctionner avec peu d'énergie. Et quand on revient à notre régime normal, il se met en mode stockage pour se préparer à une éventuelle privation. Ce qu'on appelle des fois aussi une famine. Hein? C'est comme une famine volontaire, entre guillemets. Oui. Et même si ça fonctionne pas très bien, les produits, services, moyens amaigrissants, est-ce que l'on sait ce qui motive quand même les gens à utiliser ces moyens-là? Pour les jeunes, c'est surtout l'insatisfaction à l'égard de leur apparence. Et chez les adultes, c'est surtout ceux qui pensent être en moins bonne santé ou ceux qui sont moins satisfaits de leur vie sociale ou qui ont un niveau de détresse psychologique élevé. Ces personnes ont plus souvent recours à ce type de méthode et c'est essentiellement sur ces points faibles que l'industrie de l'amaigrissement réussit à faire la promotion et à vendre ses produits finalement. Est-ce qu'on connaît les raisons qui influencent le choix d'un moyen amaigrissant plutôt qu'un autre? Qu'est-ce qui va nous influencer les personnes? Vraiment, c'est variable d'une personne à une autre et surtout selon ses propres attentes. Dans une étude réalisée en 2013, les chercheurs ont analysé un sous-échantillon de 20 personnes qui est fait majoritairement de femmes pour connaître leur principale motivation à utiliser les moyens amaigrissants. Les participantes ont été réparties en deux groupes. Le premier groupe a suivi spécifiquement un régime faible en calories. Le deuxième a suivi un programme de perte de poids. Donc, selon cette étude, le premier groupe désirait avant tout avoir des conseils, être en santé ou perdre du poids rapidement. Alors que ce qui intéressait ceux qui avaient suivi un régime, c'était vraiment d'avoir du soutien, d'avoir un moyen qui ne bouleverserait pas trop leurs habitudes de vie et qui les aiderait à maintenir leur poids à long terme. Okay. Donc, alors qu'une autre étude qui a été publié en 2008, les motivations à suivre un régime ou à consommer un produit amaigrissant étaient liées à l'esthétique plutôt qu'à l'amélioration de la santé. Donc, c'est vraiment varié, ça dépend de ce que les gens cherchent finalement. Ça va plus dépendre des personnes. Puis, on constate aussi que ces produits et moyens amaigrissants sont accessibles partout. Hein. Et donc, les gens peuvent en prendre sans supervision médicale ou d'un professionnel de la santé. Donc, il doit y avoir des risques qui sont associés à cette pratique-là. Qu'est-ce qu'on sait de ça? Effectivement, ces produits sont facilement accessibles, mm-hmm. entre autres dans les magasins spécialisés, dans les boutiques de produits de santé naturelle, dans les pharmacies et même sur mm-hmm. Internet. Et le pire, c'est que certaines personnes décident eux-mêmes de contrôler leur poids en achetant ces produits et services. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que le fait de perdre du poids sans supervision les expose à des effets néfastes à cause de certaines composantes de ces produits, ou bien à des interactions avec des médicaments ou des interactions mm-hmm. avec des aliments, ou encore à cause de la perte de poids trop rapide. Je ne dramatise pas, mm-hmm. mais c'est vraiment la réalité. Il faut être conscient du danger de leur utilisation, puisque mm-hmm. l'innocuité n'est pas clairement démontrée scientifiquement. Mm-hmm. Et ça reste un enjeu à considérer quand même. Oui, mais l'innocuité, elle n'est pas démontrée, c'est certain. Mais est-ce que l'efficacité de ces produits-là sur la perte de poids, elle est démontrée scientifiquement? L'efficacité de la majorité de ces produits sur la perte de poids n'a pas été démontrée mm-hmm. scientifiquement. Mais selon les études, seulement un très faible pourcentage d'individus qui désirent perdre du poids réussit à le faire de manière durable. Mais en général, il a été démontré que l'utilisation de méthodes amaigrissantes tend à entraîner à long terme un gain de poids avec un risque élevé de devenir obèse à l'âge adulte. Mm-hmm. Et certaines de ces méthodes peuvent envoyer aussi des faux signaux de satiété. Et sur le plan psychologique, la majorité des personnes qui suivent ces moyens amaigrissants vit des périodes d'isolement social, de sentiments d'échec, de culpabilité, ce qui est mauvais pour leur bien-être mental. Oui. Donc, on peut constater que c'est une stratégie de marketing utilisée par l'industrie des produits, services et moyens amaigrissants pour faire croire aux personnes aux prises avec une problématique de poids que la solution est simple et qu'elle est soumise à leur propre contrôle, alors que ce n'est pas le cas. Mais oui, bien sûr que non. Et on peut se demander si perdre du poids maintenant, c'est nécessairement un gage de santé. Est-ce qu'on mêle santé et perte de poids? Non, je dirais non, pas nécessairement. Oui. L'industrie de l'amaigrissement fait la promotion d'un modèle corporel unique mm-hmm. et fait de la minceur la cible à atteindre pour améliorer sa santé. Et cette obstination nourrit des préoccupations excessives de la population à l'égard du poids et encourage davantage l'utilisation de ces produits, services et moyens amaigrissants. Mmh. Et selon plusieurs recherches, il a été prouvé que l'insistance sur la perte de poids est non seulement inefficace pour atteindre une meilleure santé, mais pourrait être dommageable. Elle entraîne une préoccupation, voire même une obsession par rapport à son alimentation, à son image corporelle. Et la personne entre aussi dans un cercle vicieux de perte et de gain de poids, ou comme on l'appelle, l'effet yo-yo. Oui. Ça entraîne aussi une moins bonne estime de soi. Et la personne peut aussi développer des troubles de comportement alimentaire. Comme elle peut être également une victime de stigmatisation et de discrimination sociale, avec toutes les conséquences psychologiques par la suite. Oui, les conséquences sont nombreuses. Oui. Donc, pour terminer, quel conseil pourrais-tu donner à des personnes qui souhaitent maigrir et qui pensent peut-être avoir recours à une diète amaigrissante? Pour finir, je peux dire que l'essentiel, c'est d'avoir de bonnes habitudes de vie, comme le fait de consommer beaucoup de fruits et légumes, faire de l'activité physique régulièrement, consommer de l'alcool avec modération, arrêter de fumer ou du moins diminuer le nombre de cigarettes par jour. Juste avec ces petits changements durables, on peut améliorer notre santé et notre bien-être sans nécessairement perdre du poids. Et le mot d'ordre du jour, je dirais on arrête de se peser à chaque jour. Parce que ça peut exacerber justement la préoccupation excessive à l'égard du poids. Oui, c'est oui, ça. Vous avez raison. Donc de voir quelles sont les conséquences justement de se peser, voir comment ça peut nous influencer. Donc merci Samira pour cette mise à jour sur les produits, services et moyens amaigrissants. Donc nous allons maintenant passer à une pause publicitaire et musicale sur CKRL 89.1. Et au retour, on va faire un tour dans une taverne du temps des Romains.